le cœur, moi je ne sais rien par cœur. Oui, je suis le dernier, je passe pour un cuistre, mais je m'en fous, je suis près du radiateur. Tous les mardis à 19h. Yeah. Vous écoutez l'émission Au fond près du radiateur sur FPP 106.3. Non. Truc de dingue, truc de malade, truc de psychopathe, truc de fée, truc de strong. Au fond près du radiateur. On doit continuer le combat contre le racisme, contre la violence policière, contre le travail qui nous tue, contre le chômage, contre la dégradation des quartiers populaires. La seule alternative pour nous, c'est la lutte. C'est la lutte. C'est la lutte. 106.3. Radio fond près du radiateur. Voilà. Nos pas Saran. Grève générale. Il n'y a rien d'autre. Et il faut qu'on soit déterminés dans nos actions. Et on ne doit pas lâcher. Et si on est tous ensemble, on va y arriver. C'est pas eux qui vont décider notre vie. Yo, au fond près du radiateur, man. Tous les mardis soirs, 19h, FPP 106.3 FM. Ha! You want me to hide all my feelings. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur l'émission Au fond près du radiateur sur FPP 106.3 de 19h à 20h30 tous les mardis en direct et retransmis le vendredi à 7h du matin jusqu'à 8h30 du matin. Sur le plateau, on a des invités aujourd'hui. On a Céline et Younes, psychologues ou conseillers d'orientation, au choix, qui vont nous parler de la mobilisation et de ce qui se passe et des changements que veut impulser le nouveau gouvernement. On a Mouloud avec nous. Bonsoir. On a Raphaël et Imen. Et salut. Romain, qui ne devrait pas tarder à arriver. Et moi-même, Moustapha. Tout à l'heure, on abordera aussi ce qui se passe dans le monde des travailleurs du sexe, par le STRAS. Tu veux en parler, Mouloud, tout de suite, un mot ou... Non, on va attendre. Ok, on aura peut-être Alexis en fin d'émission. Alexis, c'est quelqu'un qui travaille à la RATP. Il passe son conseil de discipline ce vendredi, il me semble, parce qu'il est syndicaliste, pour plusieurs autres raisons. Et peut-être qu'il appellera pour nous expliquer ce qui s'est passé ou quoi. Ou peut-être qu'on fera un point nous-mêmes s'il n'appelle pas. Et une petite rubrique après. Et l'agenda en fin d'émission. Voilà. Et Raphaël, je crois que tu voulais nous lancer un son que tu as pris cet après-midi. Ouais, tout de suite même. Avec les lycéens de Paul-et-Loire. Tout de suite même, il y a Isée qui vient d'arriver. Donc, elle va présenter un peu la chronique qu'elle veut faire et tout. Je te laisse la parole, Isée. Ah, bonjour, oui, je suis Isée, je suis travailleuse du sexe et militante au STRAS, le syndicat des travailleurs sexuels. Et donc, moi, ce que je vais présenter, effectivement, c'est vraiment tout ce qui concerne l'actualité politique du travail sexuel actuellement. Ok, ça marche. Et tout de suite, on va s'écouter donc un reportage qu'on a fait devant le lycée Paul-et-Loire, donc qui se trouve à Saint-Denis. Et donc, on a interviewé des lycéennes qui étaient là-bas parce que jeudi dernier, en fait, la semaine dernière, ils ont eu les résultats de Parcoursup. Donc, c'est-à-dire, c'est les lycéens qui demandent des vœux pour les études qu'ils veulent faire l'année suivante. Et maintenant, il y a une réforme de l'enseignement supérieur en ce moment. C'est pour ça que les universités étaient bloquées aussi. Et que ça bouge dans pas mal de lycées. C'est-à-dire que maintenant, ils doivent postuler sur un truc sur Internet qui s'appelle Parcoursup. Et en gros, ils ont mis énormément de lycéens dans le 93 en attente. C'est-à-dire, par exemple, au lycée Paul-et-Loire à Saint-Denis, il y a plus de la moitié des lycéens qui n'ont aucune solution pour l'année prochaine, pour l'instant, et qui sont sur liste d'attente. Et du coup, bah, on voulait leur donner la parole directement parce que jeudi dernier, les lycéens avaient organisé le blocage de leur lycée donc, à Saint-Denis et il y avait eu une manifestation dans la ville, tout ça. Et ça fait plaisir quand, justement, c'est les lycéens de banlieue qui vont qui vont se trouver le plus bloqués par cette réforme-là. Et justement, là, comme ils se mobilisaient, on voulait leur donner la parole. Donc voilà, ça fait 15 minutes, on écoute ça tout de suite. C'est au fond près du radiateur, 106.3 FM. On est ensemble jusqu'à 20h30. Bonne écoute. Bonjour madame, bonjour monsieur. C'est FPP 106.3 qui vous parle. Essayez de tirer ensemble le maximum de qualité sonore de votre chaîne haute fidélité. Tout d'abord, votre amplificateur doit être en position radio fond près du radiateur. Écoutez. Du coup, on est devant le lycée Paul et Loire, c'est à Saint-Denis. Et bah, si vous pouvez vous présenter un petit peu et tout. Alors, tout d'abord, je m'appelle Inès, j'ai 15 ans. Et alors, déjà, on a fait un blocus au lycée Paul Éluard jeudi, parce que déjà, on a peur pour notre avenir, parce qu'il y a des personnes vraiment qui ont un très très bon potentiel niveau études, et ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient. Donc, ouais. Déjà qu'on est à Saint-Denis, qu'on est dans une banlieue parisienne, c'est déjà très difficile de trouver un travail, d'être déjà, d'avoir un lycée réputé, déjà de trouver une bonne place. Malheureusement, bah, on se retrouve dans une situation qui, bah, malheureusement, qui n'est pas, qu'on n'a pas souhaité. Parce que si on serait, exemple, dans les grands lycées, Henri IV, on aurait au moins eu ce qu'on voulait, au moins tout. Alors que là, on a des attentes, on a des refusés, on n'obtient pas ce qu'on veut. Donc déjà, on a peur pour les terminales de cette année, les premières de l'année de nos premières. Et vraiment, ça fait peur parce qu'on ne sait pas à quoi s'attendre d'ici les années à venir. Là, comment ça s'est passé pour les gens? Ils ont... En fait, tu dois faire des demandes pour l'année d'après, ce que tu as envie de faire comme études. Et après, en fait, il y en a beaucoup, ils les ont mis sur liste d'attente, c'est ça? Et ici, à Paul-et-Loire, au lycée Paul-et-Loire à Saint-Denis, il y a beaucoup de gens, ça leur est arrivé? Beaucoup d'attentes et beaucoup de refusés, malheureusement. Ouais. Et beaucoup moins d'acceptation, en fait. D'accord. Donc, ouais, c'est énorme. D'accord. Et c'est-à-dire les gens, ils veulent les orienter plutôt vers quoi? C'est quoi qu'ils veulent comme avenir pour les lycéens d'ici? En fait, vraiment, par rapport au potentiel, il y a beaucoup de personnes qui ont plus de 15 de moyenne et qui n'obtiennent pas ce qu'ils veulent, malheureusement. Ouais. En fait, ils voient aussi par rapport au secteur où on habite, c'est ça le problème. Parce que si on habiterait dans les banlieues, dans Paris, où il y a un bon environnement, on ne serait pas discriminés de la même façon, parce que ici c'est une discrimination totale, parce que déjà Saint-Denis, ils voient déjà alerte rouge, c'est déjà très mal à cause de, donc déjà c'est mal vu, alors déjà c'est grâce à où on habite, le potentiel, le lycée où ils se trouvent, c'est ça le plus embarrassant. Tu penses qu'ils ont beaucoup regardé l'adresse des gens et tout? Ah bien sûr, ouais. Ça c'est la priorité. C'est la priorité. Et vous avez demandé quoi, par exemple? Vous avez envie de faire quoi? Ou vos amis et tout, ils avaient demandé quoi? La majorité, c'était plus de la médecine et du droit. Il y en a beaucoup qui voulaient faire avocat, beaucoup qui voulaient faire médecine, et malheureusement, ils ont refusé. Ah ouais? Alors qu'ils avaient des vraiment, vraiment, vraiment de super notes, c'est ça le problème. Ouais. Ok. Et vous? Ouais, vas-y. Et est-ce qu'il y a... Quel est le planning, là, à l'avenir? Est-ce qu'il y a des solutions, il y a des recours possibles? Pour l'instant, on n'a rien trouvé. Pour l'instant, on essaie de, déjà de se révolter, de mettre des droits, d'essayer de plusieurs choses. Mais pour l'instant, on ne retrouve pas encore. Donc, Et vous pouvez raconter ce qui s'est passé jeudi ici, un peu ce que vous avez fait à Paul-et-Loire et tout? Parce que c'était... Enfin, nous, ça nous a fait chaud au cœur parce que... Tu vois, moi j'habite à Saint-Denis aussi, et du coup, voir que le lycée il bouge et tout, ça fait plaisir, tu vois. Il y avait tout le monde ici, mais il y avait des secondes qui tenaient la banderole, et etc. Tu vas passer à la radio. En fait, les résultats de Parcoursup, ça a vraiment choqué les gens, quoi. C'est ça qui a déclenché le mouvement, un peu, quoi. Ouais. Ah, parce qu'il n'y a plus de place dans les universités. Mais ça, c'est pas vrai. Ah, c'est pas vrai? C'est ce qu'ils disent, mais... Parce qu'ils prennent en priorité les personnes qui ne sont pas dans des banlieues parisiennes, tout simplement. Ouais. Ils sont les gens de la banlieue parisienne, ils sont majoritairement discriminés, donc je vois pas, en fait. C'est logique que... Voilà. Ça va? Pour moi, c'est ça. Ok. Tu peux raconter un peu juste jeudi comment ça s'est passé? Tous les lycéens majoritairement ils se sont regroupés, il y avait des banderoles, il y avait des gens avec des microphones qui se révoltaient, qui voulaient le droit, qui voulaient tout ça. Donc on a essayé de bloquer le lycée pour que personne n'y rentre et tout ça. Et voilà, mais après j'espère que tout ce qu'on fait, ça va marcher, parce que si c'est pour à la fin pas avoir de finale, ça sert à rien. Ouais. Vraiment là on souhaite avoir ce qu'on veut et on va tout faire pour l'avoir, tout simplement. Vous avez vu, jeudi, là, il y a 14 lycées, je crois, ils se mettent ensemble pour faire une manifestation. Vous êtes au courant un peu? C'est jeudi là? Ouais, jeudi là, à midi, je crois. C'est à midi à 8h. À 8h, carrément? Ouais. Okay. Mais ils avaient déjà commencé depuis 5h du matin pour les lycées Paul-et-Loire. Ouais, à 5h. Vous étiez levé à 5h et tout pour ici. Ouais. Okay. Ouais, sérieusement, ici, je pense que c'est un lycée très réputé, sauf qu'en fait, il est mal placé dans le 93. Donc, c'est pour ça qu'en fait, les gens, ils ne nous acceptent pas dans les universités ou dans les facs. Et même si c'est pas de notre faute, en fait, mais c'est comme ça. Okay. Malheureusement, c'est comme ça. Ouais. On n'a pas le choix. Après, vraiment, le lycée Brûlière, par rapport aux autres lycées... C'est un bon lycée, on a des bons résultats, il y a beaucoup de réussites. Mais le fait qu'il soit dans le 93, et ça passe pas aux yeux des autres des universités, etc. etc. Ouais. Jeudi, il y avait d'autres lycées qui étaient avec vous un peu aussi? Il y avait aussi des étudiants de Paris 8. D'accord. L'université Paris 8. L'université qui est à côté, là. Et Sugère, non? Vous avez des amis à Sugère, peut-être, dans les autres lycées? Comment ça se passe pour eux à Sugère? Parce que Sugère, par exemple, il a une moins bonne réputation que Saint-Denis et tout, je crois. Et pour eux, là-bas, ça s'est passé comment, vous savez, un peu? Non, la vérité, je sais pas ça, par contre. Okay. La vérité, je sais pas, mais pour moi, vraiment, pour les Lueurs, c'est vraiment réputé avec un très bon réussite au bac. Ouais. On avait, je crois, 85% de réussite au bac il y a 2 ans, ouais. Quand même. Et voilà, et c'est vraiment pas... En fait, vraiment... Des fois, on regrette même d'habiter à Saint-Denis parce qu'on voit qu'on n'a pas d'avenir, vraiment. Parce que vraiment, on a de l'avenir, mais pas dans cette situation-là. Tu vois, avec déjà, ils ont tellement une mauvaise image des banlieues. C'est à nous de mettre toutes les choses. Ouais, c'est à nous de se démarquer, en fait. C'est ça. Mais après, avec tellement les gens, ils ont tellement une mauvaise image du 93, des banlieues parisiennes, qu'en fait... Tu penses que c'est justifié, cette image et tout, là, qu'ils ont? T'en penses quoi? Tu vois la réputation qu'on fait au 93, qu'est-ce que t'en penses? En fait, pour moi, il y a des choses, c'est vrai, mais il y a des choses, contrairement, c'est pas vrai. Parce qu'on peut dire que Saint-Denis, c'est une région multiculturelle, avec plusieurs cultures, mais c'est pas, pour autant, c'est pas un inconvénient non plus. Ça peut être des fois, ça peut être des bonnes choses, parce qu'il y a du partage. C'est pas parce qu'on est bête, en fait. Ouais, exactement. Et en fait, les gens, ils ont tellement une mauvaise image des banlieues parisiennes qu'en fait, on n'a vraiment pas le choix. On essaie de se démarquer, mais avec le peu qu'on peut, mais on va quand même... Après, aussi, à travers les médias aussi, ils montrent une mauvaise image de la banlieue parisienne, à un moment donné. Tu trouves dans les médias et tout, et c'est déformé ou quoi? FMTV, je suis désolée, mais j'ai vu... ça, vraiment, c'est la vérité. Moi, par contre, j'ai vraiment vu, au début, ils me disaient oui, FMTV. Moi, je disais, c'est pas grave, j'avais pas de preuves. Mais devant le lycée, j'ai vu ce qui s'est passé, j'étais présente et j'ai vu à la télé, c'est totalement l'inverse. Totalement, BFM, ouais. Tout le monde le dit que c'est truqué, entre guillemets. Mmh. En fait, on va dire quelque chose, ils vont transformer la chose. Ouais. Ah ouais, jusqu'à on leur a dit de pas nous filmer, en fait. Non, mais eux, c'est une catastrophe. Moi, vraiment, BFM TV, c'est la pire chaîne que j'ai vue de ma vie, en fait. Ils sont venus jusqu'à là, on leur a dit de pas prendre, surtout vous. On a appelé les médias avec qui on voulait parler, avec qui on voulait s'exprimer. Et notre image, elle n'allait pas salir, en fait, face à ces médias. Mais quand on voit bien BFM TV, c'est une catastrophe. Parce qu'on leur a dit de ne pas, on ne veut pas s'exprimer avec vous. On veut pas que, en fait, nos sentiments traverse la télé avec vous, parce que en fait ce sera pas de la même façon, ce sera pas exprimé de la même façon, donc on préfère ne pas parler avec eux. C'est quoi qu'ils ont dit, ils ont sur vous ici? En fait, déjà c'est même pas à propos de nous, mais en fait c'est un tout, c'est un général, ouais. En fait, ils essaient toujours de montrer le mauvais côté des choses et ouais. Non pas le bon. C'est pas, en fait, ils vont plus parler de révolte, ils vont plus parler de choses négatives, alors que nous, non, on veut juste la réussite de tous et un regroupement, et en fait on veut juste un bel avenir, tout simplement. Ouais. C'est pas quelque chose de mauvais. Ou d'avoir les mêmes droits que les Parisiens, tu vois. Ouais. Les gens d'Henri IV, on n'est pas plus bêtes. Hein. Ouais, mmh. Les gens d'Henri IV, j'en suis sûre qu'il y a ici des gens, ils ont carrément plus de capacité des personnes d'Henri IV. Mmh. Je suis désolée. Après, on n'a pas le même, il n'y a pas le même niveau entre, il n'y a pas les mêmes exigences, mais il y a beaucoup plus d'intelligence ici qu'à Henri IV, ça j'en suis sûre. Je dirais pas qu'il y a plus d'intelligence, on va pas aller jusqu'à l'arrière. Mais quand même, comment te dire, la vérité, en parlant, la vérité, il y en a ici. Ils ont vraiment leur face à Henri IV, comment te dire? Franchement, non, ouais, c'est vrai. Voilà, donc je suis désolée. Ils sont super intelligentes, mais on leur laisse pas le droit d'aller de s'exprimer, loin, de se démarquer. Parce qu'ils sont dans le 93, parce que le 93, c'est un blocage. En fait, le 93, c'est la Croix-Rouge, c'est ça. C'est ça pour eux, c'est exactement ça, en fait. Mmh. C'est le souk. C'est la vérité, c'est la vérité. Mais après, on n'a pas le choix. Après, les gens, ils essayent de déménager. Jusqu'à les gens, en fait, non, ils mais veulent c'est plus. Vrai. Allez poser la question à un Parisien, de quelqu'un de très haut classé. C'est comment dans sa tête le 93? Vous allez voir la réponse qu'il va vous donner, hein. C'est pas une belle image qu'il va vous donner. Mmh. Jusqu'à mon prof, moi j'ai un prof d'histoire, il travaillait à Henri IV. C'était un prof d'histoire à Henri IV. Et quand il est venu ici, le jour où il a déménagé, il a dit bah, je vais venir à Saint-Denis. Et il a été recruté à Saint-Denis, bah, ils lui ont dit mais à Henri IV, ils lui ont dit mais t'es parti faire quoi là-bas en fait? T'es parti de chez les animaux. Ouais. Il était choqué, il a dit non, ah ouais. En fait, ouais. Ils sont beaucoup plus respectueux que des gens d'Henri IV en fait. Et c'est la vérité. Il n'y a plus à avoir des problèmes. Respectueux, on l'est vraiment beaucoup et on est solidaires. C'est ça que j'aime bien. Dans ce lycée, on est solidaires. Ça dépend. La vérité, ça dépend. Ça dépend ouais. On est vraiment solidaires. Non, pour moi, je peux voir dans les conseils de classe, les délégués envers leurs élèves, vraiment, on est vraiment solidaires. Après, je parle de moi et je parle de, en général, on est vraiment solidaires. En vérité, on est vraiment solidaires. On veut la réussite de tous. On ne parle pas que d'autres réussites à nous. On part de la réussite de tout le monde et c'est ça qui nous importe en fait à l'heure d'aujourd'hui. On va pas déménager pour faire plaisir à Parcoursup. On va pas aller à Paris pour passer à Parcoursup. C'est sûr. Ouais, c'est sûr. Allô ? On reste à Saint-Denis, c'est notre ville natale, mais voilà, c'est là. Ouais. Vous êtes de quel quartier à Saint-Denis ? SFC. Ouais. SFC ? Après, on n'a pas le choix, donc on va essayer de faire avec. Vous écoutez l'émission Au fond près du radiateur. Et maintenant les suites pour les prochains jours, peut-être jeudi ou les suites du mouvement, refaire un blocus. Est-ce que les profs ils essayent de faire avec nous en fait, majoritairement ils sont totalement d'accord avec nous. Ouais, parce que c'est une injustice, tu vois. Exactement, ouais. Parce que même eux ils voient par rapport aux autres lycées, je suis désolée, mais on est vraiment, alors qu'on est vraiment un lycée réputé, mais moi je vois non, pas, on est vraiment. Voilà, c'est ça. Paul-Éluard, c'est vraiment un bon lycée, il y a vraiment un bon taux de réussite, voilà. Mais vraiment. Ouais, c'est ça, et en fait. On a une chance d'être ici, même nous on le voit, on a une chance d'être ici. Ouais, sans se mentir, on a vraiment une chance d'être à Paul-Éluard, parce que c'est pas tout le monde qui veut l'avoir, il y en a, ils se battent pour venir à Paul-Éluard, mais qui le trouvent pas. Ils prennent majoritairement que les bons élèves, on a travaillé toute notre vie, on se donne, on révise, on se donne à fond pour réussir, et à la fin, ben, on n'obtient pas ce qu'on veut, et ça par contre, c'est de l'injustice totale, il y a de la discrimination, je suis désolée. En fait, on sait pas pourquoi Parcoursup, comme de par hasard cette année, ils ont commencé à être comme ça. L'année dernière, c'était pas du tout comme ça. Ils ont accepté tout le monde, même ceux qui n'étaient pas... par exemple, ils ont eu leur bac à 10. Ils ont réussi à passer en médecine. Ils ont réussi à rentrer partout. Mais Parcoursup, on sait pas pourquoi, là, cette année, ils ont décidé de faire ça. Parce qu'en fait, apparemment, on sait pas trop c'est quoi les critères dans Parcoursup. Mais chaque grande école ou université, elle peut... sélectionner un peu comme elle veut, je crois. Et genre là, il y a un soupçon, c'est qu'ils ont mis l'adresse des gens ou quoi comme critère pour sélectionner, tu vois. C'est n'importe quoi. Si on commence par mettre l'adresse, ça prend. C'est du grand n'importe quoi. Mais maintenant, ce sera avec une autre famille maintenant. Non, ben non, la prochaine fois, ce sera avec les bâtiments, que l'étage tu habites. En fait, c'est trop, c'est vraiment trop de discrimination, c'est trop. Ouais. Pourquoi nous on est discriminés? On a tous les capacités de réussir. On a de l'entourage qui sont passés ici et aujourd'hui ils ont réussi leur vie. Ils ont bac plus je sais pas combien et ils ont réussi en fait. Donc nous on a les capacités de réussir, c'est eux qui ne croient pas en nous, je pense. Moi je connais une seconde, elle a 18 de moyenne, elle passe en S. Pourquoi elle aussi ils vont la mettre dedans alors qu'elle peut vraiment passer en Henri IV si elle a envie d'aller? Elle peut passer partout. En fait, on a tous les capacités d'aller à Henri IV. Oui, alors que nous, en troisième, ils m'avaient proposé d'aller à Henri IV. Mais moi, j'ai pas voulu parce que je me suis dit, en fait, je préfère faire une... Ah, mais là, vraiment, à l'heure d'aujourd'hui, c'est pas un regret. Mais vraiment, je me dis que si je serais allée à Henri IV, en fait, j'aurais beaucoup plus de possibilités de réussir ma vie. Alors qu'ici, en fait, ce serait un peu plus critique. Parce que moi, il y a beaucoup de personnes. Je connais trois personnes qui sont ici, qui étaient dans ma classe l'année dernière et qui ont eu la possibilité aussi d'aller à Henri IV, mais qu'on n'a pas voulu parce que déjà, le trajet, on pouvait pas. Attention, mais Henri IV, c'est vraiment le top du top, en fait. Ils le voient comme le plus haut niveau. Mais ça aussi, c'est un peu une idéologie qu'ils ont, tu vois, de classer les lycées entre eux, faire des très bons lycées, entre guillemets, et des lycées où ils vont avoir moins de moyens et tout ça. Et du coup, d'un côté, c'était pas comme ça il y a 10 ans, tu vois, peut-être. Et ça va pas dans le bon sens aussi, tu vois. En fait, quand on a mélangé des personnes, comme vous dites, qui n'ont pas les capacités, entre guillemets, mais aussi des personnes qui ont les capacités, comme ça, au moins, on peut s'aider entre nous. Et là, on verra qu'on va, on aura, en fait, on va s'aider les personnes qui ont les capacités, vont aider les personnes qui n'ont pas de grandes capacités. Ouais, oui. Je veux dire, tu vois, traiter tout le monde à égalité, tous les lycées à égalité. Alors que là, ils sont en train de classer les lycées entre eux. Et en plus, ils vous classent entre eux avec Parcoursup, tu vois, ils donnent un numéro à tout le monde. Ça, je sais pas ce que vous en pensez et tout, tu vois. Ça peut nous aider. En fait, c'est pas question de... Parce qu'on habite à Saint-Denis, on va pas aller en Henri IV, je sais pas quoi. Parce qu'on habite dans une banlieue, on peut vraiment aller en Henri IV. Il y a plusieurs élèves qui ils ont réussi à aller en Henri IV. Pourquoi nous, on sera discriminés par ça? Parce que Parcoursup n'est pas content qu'on habite dans une banlieue. C'est vraiment, c'est trop... Non. Ok. Ouais, merci, hein. Merci pour ce temps. Vous voulez rajouter un dernier truc ou quoi? Vraiment, ouais. Parce que là, elle est énervée. Ouais, vraiment, là, en fait, moi, je trouve que la société de maintenant, elle fait tout pour que les élèves ne réussissent pas. Moi, je dis, à partir de maintenant, ils veulent vraiment voir que les personnes qui veulent avoir un bon travail et les personnes qui ne veulent pas voir, majoritairement, moi, je dis que ce monde-là de maintenant, c'est un monde rempli de discrimination. Parce que déjà, ils jugent par rapport à la couleur, ils jugent par rapport à la nationalité, ils jugent par rapport au nom de famille, jusqu'au nom de famille. Mais vraiment, là, le monde, c'est une catastrophe. Parce que déjà, moi, on pouvait dire, même... moi, la vérité, là, on parle un peu de politique. Avant, même quand il y avait Sarkozy, je me disais, oui, c'est pas, ça ne nous arrange pas et tout. Mais maintenant, Macron, pour moi... c'est un regret total, mais total. Ouais, vraiment, ça, c'est une catastrophe. De... Macron, je regrette d'avoir dit à ma mère de voter pour lui. Alors là, même si ça va pas changer, parce que c'est 0,0000, mais vraiment là, ça m'écœure en fait. Il m'écœure plus qu'autre chose. Je sais pas comment dire, mais bon, il a tellement... Avec, non, mais c'est sûr que... Ouais, mais on a pas encore en 4 ans. Non, mais en fait, les présidents, en fait, ils sont trop intelligents. Ils veulent trop nous la mettre. Ils veulent trop nous la mettre à l'envers. Ils disent, ouais, de toute façon, on va faire ça. Quand ils sont présidents, ils font rien du tout. Ils font pire que ce qu'ils disent. Donc ça ne sert à rien. Et en fait, la prochaine fois, je dirai à ma mère, vote blanc, frère, vote personne. C'est quoi ça? En fait, il fait... Macron, là, normalement, il doit s'intéresser à nous, aux banlieues qui sont discriminées par Parcoursup. Non, il fait rien. Je sais pas s'il sait toutes ces histoires, mais... Ce qui est paradoxal, c'est que là, il fait ça, justement... Vous êtes discriminé par rapport à Parcoursup, un algorithme, enfin on ne sait pas trop. Et à côté, il fait un grand plan banlieue pour aider certaines zones en difficulté. Enfin, je ne sais pas si vous avez entendu ça, hein. C'était un peu la carotte, quoi. Vous avez entendu peut-être il y a 2 semaines, 1 mois. Il fait ça, ils font ça, un grand plan banlieue, logement, éducation. Mais à l'inverse, ils font Parcoursup. Enfin, donc c'est un peu... Ouais. Franchement, je ne sais même pas si ça va donner une suite. Ouais. Bon, on va pas vous faire rater le prochain cours. Merci. Merci à vous. Au revoir. Ouais. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur l'émission Au fond près du radiateur sur FPP 106.3 tous les mardis de 19h à 20h30. On vient d'écouter le petit reportage qui a été fait au lycée Paul-et-Loire à Saint-Denis et par les Dionysiens, dont notamment SFC. Un petit big up à SFC, Floréal, La Courtille, Saucé. On est en compagnie de Mouloud et d'Imen, de Raphaël à la technique, de Isée et Jonathan du SRAS, c'est ça? Ou je délire? Nathan du SRAS. Céline et Younes, psychologues, conseillers d'orientation. Vous êtes quoi en fait? Alors, vas-y. Depuis septembre 2017, nous sommes des psychologues de l'éducation nationale. Du coup, j'en profite pour expliquer peut-être un petit peu le métier. Les grandes missions, c'était le conseiller d'orientation. Celui qu'on connaissait parce qu'on avait un petit problème, on ne savait pas quoi faire, etc. Mais en vrai, nos missions, pour les expliciter un peu, ce serait plutôt créer les conditions d'un équilibre psychologique, favoriser la parole de l'élève, sa réflexion, mais aussi sa réussite et son investissement au sein de l'école. Il n'y a plus du tout d'orientation dans vos fonctions ou il y a quand même un côté orientation? En fait, il faut que ces conditions-là soient réunies pour que l'orientation puisse se faire vraiment et qu'on puisse avoir un choix qui soit fondé personnellement par rapport à soi, son identité, son histoire. Pour préciser, tous les deux, vous travaillez dans des centres qui sont au sein du 93, d'accord? J'imagine que le psychologue, en l'occurrence, il est à cheval sur plusieurs établissements et pas que sur un, ouais. Il me semble. Personnellement, je travaille dans un CIO, donc Centre d'information et d'orientation, dans un lycée et dans 2 collèges. Donc il y a un collège où je suis présent une journée par semaine, un autre collège où je m'occupe uniquement des suivis des élèves de SECPA Et donc là, j'interviens une à deux fois par mois. Juste entre parenthèses, c'est quoi SECPA ? Section d'enseignement général et... professionnel adapté. Professionnel adapté. Ouais. Du coup, au niveau pratique, c'est qui, c'est quoi ? C'est des élèves qui sont plutôt dans la grande difficulté scolaire et donc il y a un dispositif qui est mieux adapté, où il y a un nombre d'élèves moins important que dans les classes ordinaires. Et donc, ça favorise un apprentissage adapté, voilà. D'accord. Ouais, avec un peu plus, du coup, de professionnalisation dedans, plus tôt que les autres élèves. Voilà. Là, dans le reportage qu'on a entendu sur les élèves de Paul-et-Loire, en fait, il parlait de Parcoursup, beaucoup, tout ça. Vous êtes mobilisés aujourd'hui, il me semble ? Oui, alors nous, on s'est mobilisés. C'est pas forcément sur Parcoursup en tant que tel. Comme on disait, on travaille sur un centre d'information et d'orientation et on va dans les établissements. Mais notre lieu, c'est le centre d'information et d'orientation. On est juste là, détaché de temps en temps dans nos établissements. Enfin, de temps en temps. On y passe une majeure partie du temps. Et nous, on était mobilisés sur la disparition de ces centres d'information et d'orientation, même si on sait que ce qui amène à cette logique de vouloir réformer l'orientation peut avoir des points communs avec les réformes qui ont engendré Parcoursup. Donc aujourd'hui, vous êtes mobilisés par rapport à ce qui vous touche, vous, déjà en direct, en plus de Parcoursup, c'est-à-dire apparemment une disparition des CIO qui est programmée. Oui, ben, on est mobilisés contre le nouveau projet de loi sur la liberté de choisir son avenir professionnel et justement qui consiste à transférer la compétence sur l'information et l'orientation à la région et fermer tous les CIO de France. Je rappelle juste, vous êtes salarié de l'éducation nationale, c'est ça ? Oui, c'est ça. Du coup, en fait, ça serait de fermer ce type de poste et de fermer les CIO et de faire comme fait Pôle emploi, en fait, avec une partie des inscrits chez eux, de sous-traiter plutôt à des boîtes de sous-traitance, grosso modo, ou des cabinets de recrutement ou des conseillers via la région, j'imagine, parce que la région, elle n'a pas de compétences, en fait. Elle n'a pas de salariés propres. Alors, en fait, il supprime les CIO. Nous, on disparaît pas forcément, on ne sait pas, parce que donc, là, on est un peu dans le flou, ça doit être réécrit. Par contre, effectivement, si l'orientation, elle est confiée aux régions, c'est eux qui vont intervenir dans les établissements scolaires pour faire de l'information sur les métiers, etc. À l'heure actuelle, ils n'ont pas de personnel. Ils n'ont pas de personnel. Du coup, en fait, logiquement, soit on fait un appel à une boîte de sous-traitance, soit on annonce qu'on recrute des gens pour occuper tel poste. J'imagine, dans le projet de loi, il n'y a pas ce type d'annonce. Non. Non, donc du coup, oui, c'est ça. C'est, de toute façon, on sait que les régions n'ont pas le personnel et vont faire appel possiblement à des cabinets privés, etc. On a même eu une annonce de Madame Pécresse pour l'Île-de-France qui nous a dit qu'elle était contente parce qu'elle allait enfin pouvoir faire intervenir les start-up dans les établissements scolaires. Et du coup, vous ferez aussi du coaching, j'imagine, parce que l'anglicisme est de rigueur actuellement. En plus des startups, il y aura du coaching, j'imagine. Vous serez une boîte de coaching ou peut-être vous allez monter une boîte de coaching. Ben, peut-être on va devoir changer de vocation, mais bon, on est mobilisé contre ça. Justement. Non, mais je dis ça avec humour, mais très sérieusement, ça va de pire en pire. Et si, parce que, en fait, ben, je pense que c'est la tendance. Oui. Quand j'étais petit, on parlait du conseiller d'orientation. On parlait pas de psychologue. Moi, psychologue, ça me fait peur. T'sais, je me dis peut-être j'ai un truc dans ma tête, je suis malade ou quoi, ou les gens ils vont croire que je suis malade psychologiquement, je sais pas quoi. Tu vois. Du coup, j'évite. Mais c'est vrai que pour pas mal d'élèves, en fait, vous êtes une espèce de soupape ou de bouffée d'air. Une personne en fait que l'établissement ne connaît pas en général ou le personnel ne connaît pas trop en général et qui apparaît comme à part en fait, comme une personne neutre, grosso modo. Oui. Ben, moi, je pense que le psychologue de l'éducation nationale aujourd'hui, c'est un garant d'un espace assez neutre dans lequel l'élève peut saisir une parole assez libre pour déjà exprimer ses propres représentations déjà sur l'apprentissage, sur le cadre scolaire, sur les problèmes qu'il peut rencontrer au sein de l'éducation nationale. Et ensuite, les mettre au travail, justement, dans cet espace neutre. Et justement, là où nous, on s'inquiète, c'est que cet espace neutre, on peut le revendiquer parce qu'on appartient au CIO et pas aux établissements scolaires. Et que donc, du coup, les élèves nous identifient bien. Ils voient bien qu'on n'est pas toujours là. Ils savent aussi qu'ils peuvent aller au CIO quand on n'est pas dans l'établissement scolaire. Et ça permet cette neutralité. Parce qu'ils savent qu'on est dedans, dehors. On a un pied dedans, un pied dehors. Et ça favorise cet espace de parole. Ce qui nous inquiète, c'est que si on ferme ces services-là, cette neutralité risque de disparaître. On nous a dit « Ah, mais on va peut-être pas... » On ne sait pas, on va peut-être vous régionaliser, peut-être pas. Mais si on vous garde dans les établissements. Et du coup, là se pose la question de la hiérarchie et du fait de qui on dépendrait, du chef d'établissement lui-même, et comment on peut, dans notre cadre déontologique à nous de psychologues, garantir cette neutralité alors qu'on est du coup inscrit dans la hiérarchie de l'établissement et qu'on dépend hiérarchiquement de quelqu'un d'interne. Je pense que ça pose la question sur la conception de l'école vers laquelle on va aujourd'hui et sa vocation fondamentale. C'est que l'école, elle ne va plus être le lieu où on va instruire les enfants de la nation, mais plutôt on va répondre à un besoin de l'entreprise qui est défini par le marché de travail et donc par les régions. Et donc selon les régions, on va essayer d'orienter les enfants et qui sont nos élèves aujourd'hui. Je suis désolé, je vais être méchant, mais l'école, ça a toujours été comme ça, en fait, quasiment. Tout le temps, ça a répondu en fait, aux besoins du marché du travail et de façon très récurrente et depuis sa création, grosso modo. Non ? Oui, quand même, mais... C'est un vrai débat, en fait. C'est un vrai débat. À quoi sert l'école ? Et on a besoin que ce débat-là, il existe entre nous. Justement, ce qui nous fait peur, c'est que ce ne soit plus un débat. Est-ce que l'école, elle est là pour développer le citoyen ou est-ce qu'elle est là pour favoriser une insertion professionnelle ? C'est un débat qui mérite d'exister, mais qui ne doit pas être réduit justement que, pour moi, au marché du travail, parce que... Mais surtout, moi, ce qui me gêne, en fait, c'est quand on parle d'insertion professionnelle ou autre, déjà, nos générations à nous, 30, 40, 50 ans, on sait que ce n'est pas facile, le marché du travail, mais vraiment pas facile. Et ensuite, on sait très bien que les formations qu'on a eues ne sont pas forcément en adéquation avec la demande qu'il y a actuellement. Les technologies, elles bougent tout le temps. Le monde, il bouge tout le temps. Les dénominations bougent. Même vous, dans votre métier, ça va être compliqué en tant que psychologue, autant pour moi. Vu que les dénominations des filières pro, par exemple, elles changent d'année en année, en fait. Elles changent de nom, de compétences, de possibilités, en fait, de ce qu'il peut y avoir après. Et tout ça, ça change tout le temps. Et on sait pertinemment, en tant qu'adulte, ou père, ou mère, ou ce qu'on veut, que ces générations-là vont connaître encore plus de difficultés que nous, face au marché du travail, face à la relation qu'on a au travail. Et par rapport à tout ça, comment vous arrivez à vous situer ou à faire un équilibre pour à la fois... Enfin, je ne sais pas comment dire les choses. Comment tu peux te dire à un enfant, par cette filière, tu peux peut-être réussir, ou ça peut te correspondre, ou tu pourras trouver quelque chose, tu pourras t'épanouir, tout en sachant qu'en fait, il y a très peu de chances pour qu'il y arrive. Si on est psychologue et qu'on accueille le sujet pour parler de ce genre de questions, c'est justement pour favoriser une démarche d'un travail sur la complexité. Et donc, ce n'est pas parce qu'on est psychologue qu'on ne va pas prendre en compte la réalité du marché de travail. C'est qu'on va essayer de travailler avec l'élève sur ce qu'il souhaite, sur son potentiel intellectuel, cognitif, etc. Mais aussi sur quoi il peut greffer ça dans la réalité. Et donc c'est, à mon avis, de mon sens, ça s'appuie sur deux principes qu'on peut appeler principe de plaisir et principe de réalité, mais qui ne peuvent passer qu'à partir d'un travail sur la complexité. Et c'est justement cette compétence-là qui est intéressante à interroger avec les élèves, parce que comme tu le disais, ben oui, tout ça va bouger et effectivement, comme ils se projettent aujourd'hui à 15 ans, ce ne sera pas exactement comme ça quand ils en auront 20. Mais du coup, si on a pu leur montrer comment on travaille cette complexité-là, on espère qu'ils s'en saisiront quand ils auront 21 ans et que ce ne sera plus exactement en adéquation avec ce qu'ils avaient imaginé, etc. Enfin, que ce ne sera plus exactement le même monde que celui auquel qu'ils avaient pensé quand ils avaient 15 ans. Ouais. Mais si ce travail ne se fait plus, c'est-à-dire que ce que vous décrivez, c'est quand même que vous essayez avec vos petits moyens, parce que vous parlez de 1500 élèves pour psychologue pour 1500 élèves. C'est un chiffre déjà qui dit quelque chose. C'est une personne pour 1500, c'est impressionnant. Mais que ce petit espace, cette petite fenêtre, en fin de compte, va être remplacé par quelque chose qui va être très idéologique, qui est l'idée que de l'entreprise, quoi. Point. C'est-à-dire que voilà, justement, on réduit la réflexion et c'est ça qui est en jeu là. C'est que ben, pour eux, l'orientation, c'est bon, tu te connais bien, tu as la bonne information sur le bon métier, donc ton choix sera éclairé. C'est un peu ça qu'on retrouve derrière et ce contre quoi on se bat, parce que ce mécanisme-là, il peut marcher à la limite pour certains élèves très précis où ils ont toutes les cartes et à la limite ça va pouvoir fonctionner. Et on sait que cette manière-là de faire de l'orientation, et on le sait depuis longtemps dans la psychologie, ça favorise les inégalités de fait. Parce que des élèves vont s'auto-sélectionner en se disant je me connais bien, j'ai pas les capacités scolaires, j'ai pas ça. Et donc, du coup, plus cette information-là égale auto-censure, égale. Voilà. Donc, c'est. Enfin, contre ça, je sais plus ce que tu posais comme question. C'est au travers d'un choix idéologique, en fin de compte. Oui. Et une méconnaissance. Enfin, vraiment, j'ai cette sensation-là, une régression de la manière dont on pouvait imaginer l'éducation. Et dont on connaît l'orientation aussi. Après, juste avec du recul, en fait, quand tu regardes ce qui se passe, que ce soit à votre niveau ou Parcoursup ou quoi, ça contribue à la même logique qu'il y a depuis 25 ans, 30 ans, en fait, d'espèce de casse du service public à la française, tel qu'il existait, tel qu'il était conçu et pensé, en fait, dans l'époque des années 60, 50 et 80, et vraiment à cette casse. Et là, c'est la petite cerise sur le gâteau. On commence par le corps le plus fragile, qui est votre corps, parce que vous avez très peu de relations avec le reste du corps enseignant, j'imagine, très peu de relations avec les chefs d'établissement par rapport à des professeurs ou du personnel local. Vous êtes combien, 3500 dans toute la France? 3300, il me semble. 3300 dans toute la France. Du coup, c'est assez simple, en fait, de faire passer d'abord par vous et après par le reste. Il y a une mobilisation très forte aujourd'hui, a priori. D'après Younes, vous étiez 3000. Je pense. D'après Céline, peut-être 1500, 2000. Mais quoi qu'il arrive, même si c'était 1500, c'est quand même pas mal pour un corps. Pour un si petit corps, oui. Il y avait une rencontre intersyndicale à la suite au ministère, c'est ça ? Suite à la manifestation, donc la journée s'est déroulée comme ça. On a été en AG, une vraie AG intersyndicale pour la première fois. Ensuite, on est allé manifester, on a marché vers le ministère. Et donc, l'intersyndicale a été reçue par le ministère. Mais pour l'instant, on n'a pas d'éléments de ce qu'a donné la rencontre. Et il faut dire aussi qu'il y avait des psychologues qui sont venus de toute la France. Oui, vraiment, toutes les régions étaient représentées. Toutes les régions de France ? Même l'outre-mer. Ah non, oui, j'ai été un peu ambitieuse. Et vous arrivez à vous projeter ou pas ? Ben, je considère que notre travail est très essentiel dans le cadre de l'apprentissage scolaire, surtout pour des adolescents. La loi et le projet de loi, ils concernent la formation professionnelle. Nous, on est concernés par l'article 10. Et donc, je pense que c'est vrai qu'il y a une ambition du gouvernement à supprimer ce service public. Mais il n'y a pas réellement un acteur social ni privé qui peut faire le poids et nous remplacer comme ça du jour au lendemain. Donc pour nous... Pour l'instant, j'ai du mal à visualiser en fait. Que ce soit au niveau de soit la région, elle vous récupère vraiment vous en tant que... les postes, c'est un transfert de compétences en fait, un transfert de postes direct qui est fait. Mais en vrai, ça, les régions, c'est aussi la grande question. C'est-à-dire qu'il y a des régions qui vont peut-être essayer de le faire, d'autres pas du tout parce qu'elles n'ont pas envie de prendre ça en charge. Au niveau du choix, elles sont autonomes. La loi sous-entend qu'elles ont une autonomie totale par rapport à la façon dont elles ont de gérer ça ou pas ? C'est pas du tout précisé dans ce projet justement, et il y a beaucoup d'ambiguïté sur notre avenir. Et tout ça, ça va être voté, présenté à l'Assemblée nationale, donc ça bouge encore beaucoup. Au départ, c'était toute l'orientation va être confiée. Bon, ça a bloqué parce qu'ils avaient annoncé la suppression du coup de tous les CIO. Ça n'a jamais été écrit. Ils se sont rendus compte que dans la loi, ils ne pouvaient pas. Donc, d'un seul coup, ils nous disent « Ah ben non, on est obligé légalement d'en garder un par département, peut-être. » Et donc, du coup, on est vraiment... Enfin, c'est difficile de répondre aux questions. Ils nous disent qu'ils vont nous garder un peu à l'intérieur, nous mettre dans les établissements, peut-être, mais... C'est vrai que ça fait espérer les équipes éducatives et pédagogiques dans les établissements scolaires. Et ils pensent qu'en fait, on va être affecté à temps plein dans chaque établissement. Alors que ça, c'est un leurre, parce qu'on n'aura pas plus de temps. Parce que je vois dans certains établissements, en fait, tu as des assistantes sociales du primaire, par exemple, qui sont hébergées dans un établissement du secondaire. Ouais. Donc ce serait peut-être juste d'un point de vue d'hébergement, peut-être pas juste de compétences en fait. Et donc, tout ça, c'est encore en débat. Et justement, donc, ils ont un petit peu reculé. Mais en même temps, on a des communiqués de presse, par exemple. Enfin, il faut savoir que l'orientation confiée aux régions, ça vient aussi du fait que l'apprentissage, qui était la compétence des régions, est passé au MEDEF. Et donc, du coup, on a un peu l'impression d'avoir été troqués. On vous a pris l'apprentissage. Et donc, du coup, on va vous donner l'orientation. Après, ils sont revenus. On va vous donner l'information à l'orientation. Et alors maintenant, on a eu droit à un communiqué de presse commun entre les régions de France et le MEDEF pour demander l'orientation à plein. Est-ce que tu peux dire vite fait, c'est quoi le MEDEF, pardon ? Fais une définition du MEDEF. C'est le mouvement d'entrepreneurs. Le syndicat des patrons, du CAC 40 pour dire les choses simplement. C'est la secte, voilà. Oui, du coup, c'est cette sphère de la société qui est en train de reprendre le monopole sur le secteur de l'éducation. Je pense que c'est une chose assez dangereuse. En même temps, quand vous regardez l'éducation telle qu'elle est conçue maintenant, vous ne dites pas que, en fait, ce serait bon de changer le système aussi ? Parce qu'il y a le collège unique qui est arrivé, il y a pas mal d'années de ça, qui, pour moi, à mon sens, est archi négatif de chez négatif, en fait, en tant que collège tout court. Enseignement. Il y a aussi cette notion d'obligation de scolarisation qu'ont les parents et les enfants, sur lequel ils ne peuvent pas échapper non plus, qui fait que c'est assez compliqué à gérer. Vous ne pensez pas qu'il y a un autre système éducatif qui devrait être mis en place plutôt que... Ben, je ne pense pas que notre démarche consiste à être contre le changement en soi, mais on pourrait être avec un travail sur les états généraux de l'éducation aujourd'hui en France et avec les professionnels qui sont sur le terrain. Les changements et les réformes qui sont faites aujourd'hui, elles sont faites et proposées, et votées, etc., au dépens des opinions des personnels et professionnels qui sont sur le terrain et qui sont concernés directement par le travail avec les citoyens français et françaises. Parce qu'en fait, même pour vous, ce n'est pas l'idéal, votre façon de travailler actuellement. Vous êtes sur plusieurs établissements, vous avez beaucoup d'élèves. Vous n'avez pas forcément le temps, en fait. Vous avez beaucoup de choses à apprendre, que ce soit au niveau des filières d'orientation, de nouvelles dénominations, ce qu'elles sont ou quoi. Les élèves, les établissements, ils peuvent être éloignés les uns des autres. Le centre d'orientation n'est pas forcément trop près non plus d'une zone où il y a beaucoup de demandes. J'imagine que les conditions déjà de travail actuelles ne doivent pas être très top. Les conditions de travail sont difficiles et justement c'est ça qui est intéressant dans le discours aussi, c'est qu'on n'arrête pas de nous dire l'orientation c'est important, le choix éclairé des élèves et tout ça dans le discours parce qu'avec Parcoursup il y a eu plein de choses comme ça et c'est le discours. Alors qu'en fait, il suffirait peut-être de mettre l'argent justement sur plus de psychologues pour qu'on ait en charge moins d'élèves. Il ne s'agit pas de supprimer le CIO pour que ça fonctionne. Ah, vous n'avez plus le CIO et du coup, vous pourrez être plus en établissement. Oui, peut-être, une heure ou deux par semaine. Ça fait quoi ? Ça fait même pas 10 secondes avec chaque élève. L'objectif, il serait vraiment de réduire la charge. En Europe, sur des métiers qui sont un peu similaires, on peut être à 800 élèves par professionnel et c'est déjà beaucoup. Je pense que c'est ça qu'il faut questionner aujourd'hui. Pourquoi il y a ce double discours ? C'est important, l'orientation, etc. Et on ne parle pas du tout des CIO et on veut carrément les fermer. Et on ne parle pas de cette profession qui existe au sein de l'éducation nationale. Alors que de l'autre côté, y a une espèce de marchandisation qui se crée en parallèle dans le privé, des coachs, des choses comme ça. Et ça pose question parce qu'en fait, l'État, il est dans une logique d'économie d'effectifs et de fonctionnement. Depuis pas mal de 5 ans, on dit toujours qu'il faut dégraisser l'État. Privatisation, faut dégraisser tout ça. Pourquoi pas ? Mais du coup, en transférant les compétences à la région, en fait, l'argent peut être sorte de quelque part. Et il sera donné aux régions. Ils auront des financements. D'où vient le financement, en fait ? D'où va venir le financement de la région ? C'est une bonne question. Alors en plus, après, il y a une autre chose qui est intéressante qu'on a découvert après coup. Mais avant même qu'ils nous annoncent la suppression des CIO, et je pense que nous, on n'est vraiment pas concernés par un problème de budget, parce qu'on coûte vraiment pas cher. En vrai, un CIO, c'est pas... il y en a 330 en France. C'est une mini-chose. Il y a eu un appel d'offres de 70 milliards pour s'occuper de la région, de l'orientation, de créer en fait des petites offres locales d'orientation sur les territoires. Donc on est sur un énorme budget proposé par la Caisse nationale des dépôts avec le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de l'Enseignement supérieur pour faire des actions comme ça. Et c'est un appel d'offres auquel peuvent répondre n'importe quelle boîte de coaching, de choses comme ça. Donc il y a aussi quelque chose là qui se passe de favoriser la marchandisation et de dégager ces services de comme ce qui se passe avec Pôle emploi actuellement, en fait, où une bonne partie de ces inscrits sont en fait gérés par des boîtes privées. À savoir qu'aujourd'hui, pour exercer ce métier de psychologue de l'éducation nationale, il faut un bac plus 5 et une licence en psychologie. Ensuite, il faut passer le concours et faire une formation sur l'orientation. Alors que les coachs à qui on veut confier l'orientation, ben, ils n'ont ni cette formation, ni... Moi, je viens d'ouvrir sur Internet un truc de coaching. Ça marche bien. T'as raison, oui. À mon avis. Ça risque de bien tourner. Je pense que c'est bien de souligner tout le rapport à votre travail. C'est pas seulement des études, mais toute une réflexion qu'on n'arrive pas comme ça sur le marché, entre guillemets, veut dire il suffit de faites ci, faites ça, comme des bonnes bouteilles, quoi. Je pense que c'est important. Deuxième chose, c'est vrai que c'est important de vous rappeler, moi j'avais l'expérience du Pôle emploi, une boîte de coaching, c'est un bilan de compétences, un truc complètement bidon, où tu arrives, il faut cocher des croises, il te dit et tu ressors. Bah toi, tu vas être fleuriste, toi, tu vas être ceci. Ça, c'est la caricature de la caricature. Et effectivement, on donne de l'argent. On donne des milliers et des milliers d'euros. Et voilà, l'argent, il existe. Et là, c'est une réponse, j'allais dire, institutionnelle. Tu fais ça, et on ne sait pas où on va, en fin de compte. On sait le choix idéologique, ça, on comprend très bien. Et tout votre travail est complètement cassé. C'est pour ça qu'on vous renvoie vous-même en tant que professionnel. On comprend pourquoi vous faites grève. Ben, je suis d'accord avec toi parce que moi, mes outils fondamentaux de travail, c'est premièrement l'écoute, deuxièmement la neutralité et l'accueil. Et ensuite, c'est un travail sur les complexités que je veux faire valoir. Ce qui est au centre, c'est le sujet, c'est l'être humain. Alors que si on transfère ce travail dans le marché de travail, et surtout pour des adolescents, ben, ce qui serait au centre, ça n'est sans doute pas le sujet ou l'être humain, mais ça serait un partage de marché, quoi. Enfin, c'est aussi l'idée malencontreuse. Souvent, on dit il y avait le conseiller d'orientation et on a l'impression que dans conseiller, il y a conseiller, toi, tu devrais faire ça ou ça. Et en fait, c'est pas ça. Conseiller d'orientation, ça venait de tenir conseil avec quelqu'un. D'accord. Hein, c'est complètement une autre dynamique. Tenir conseil, C'est pas la même chose que conseiller. Et on nous entendra pas dire tu devrais faire ça, moi, je te dirais de faire ça. Si j'étais à ta place, etc., même si c'est la demande de l'élève quand il arrive, c'est justement de ce discours-là qu'on va essayer de le sortir. Et c'est, par contre, un discours que peuvent tenir des acteurs extérieurs qui ne connaissent pas ce métier-là. C'est d'ailleurs une des choses qui nous est reprochée, c'est qu'on n'orienterait pas assez les élèves vers l'apprentissage, puisque donc il faudrait plus d'élèves vers l'apprentissage. Ça, c'est la logique actuelle. On les orienterait pas assez. Effectivement, on va pas leur dire de faire ça. Et donc, du coup, c'est dans certains communiqués ce qui ressort. Il faudrait le donner aux régions pour qu'ils favorisent et qu'ils incitent aussi à aller plus vers l'apprentissage, alors que des études, même toutes récentes, sont sorties, par exemple, sur le CEREC, qui est un truc d'études qui est qui est très neutre, quoi. Qui dit clairement que l'apprentissage aujourd'hui, c'est très discriminant. Ça favorise, certains publics sont favorisés dans l'apprentissage et pas d'autres. Les racisés, etc. Les hommes sont plus favorisés que les femmes, voilà. Et. C'est à peu près ça. Dans l'étude, il y a cette question-là, justement, de ça favorise les discriminations. Mais c'est une tradition en France. Moi, au 6e, on m'avait proposé à la CPPN Chaudronnier, Alors, j'avais des notes impeccables en français, histoire, tout ça, genre d'hier. Ma mère, elle a rien compris. Mes profs, ils ont rien compris. Du coup, ils ont demandé à ma mère de dire non. Ma mère, elle dit, heureusement. Mais surtout, enfin, je suis désolée du terme, mais c'est vraiment de la connerie parce que l'apprentissage, c'est bien quand c'est ce qu'on veut faire. Moi, demain, si je veux faire, je sais pas, moi, dans les chantiers ou dans l'électronique ou n'importe quoi, oui, je vais aimer. Mais une personne qui veut faire de la recherche, qui s'intéresse aux lettres ou à n'importe quoi, on la met là-dedans, elle va pas du tout tenir. Enfin, c'est prouvé maintenant. Un étudiant, quand on le met dans quelque chose qu'il n'aime pas, il reste pas dedans. Ou il reste pour faire plaisir aux parents parce qu'il y a la bourse, mais quand il peut se barrer, il se barre. Enfin, c'est pour ça qu'il y a de l'absentéisme partout. Donc, leur réforme, c'est. Bah, c'est débile. Enfin, demander au conseil des régions de coucou, dites-nous ce qu'on veut faire. Non, en fait. Franchement, c'est pour ça que votre emploi il est important parce qu'il faut. Je pense que dans certains CIO, en tout cas, j'en ai vu quelques-uns, il y a une réelle écoute de ce que du jeune, il y a une réelle entre guillemets relation avec le jeune et on entend ce qu'il veut et on essaie de l'aider et de le conseiller au mieux pour l'amener là où il veut alors que décider pour lui c'est la connerie. Du coup moi je suis totalement avec vous et continuez la grève. Bon, la question c'est quel métier tu veux faire déjà à quelqu'un qui a 14 ans, je sais pas quel âge qu'ils ont mais c'est quand même énorme. Parce qu'il faut savoir que même à 30 ans, il y a plein de gens qui ne savent pas se situer déjà. En général, tu ne sais pas du tout ce que Et en plus, avec un taux de chômage si grand, ça dit quelque chose. Et surtout, la pression qu'on met, notamment sur ces jeunes du quartier populaire. Et aussi, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Ce qui est quelque chose d'énorme. C'est d'où l'intérêt de vos métiers. C'est d'essayer de baisser la pression, d'essayer de trouver du sens dans un truc qui est cassant, destructeur pour quelqu'un qui sait et qui est parfaitement conscient que là, en face de soi, tu as une cité et que tu es dans la merde, qu'il n'y a pas d'avenir, on te le dit bien et on te pose la question de manière tu dois aller faire ça. Et je trouve que cette violence-là, c'est là où peut-être vous avez du sens à essayer d'atténuer ça. Clairement, les ados, ils ne peuvent pas se projeter. Nous, on ne peut pas se projeter. Par contre, je peux me projeter. Je sais que l'émission, elle finit dans 35 minutes à peu près. On va faire une petite pause musicale. Par contre, je vais vous laisser juste nous dire s'il y a un agenda ou quelque chose de prévu. Il me semble qu'il y avait une pétition qui était lancée. Tout à fait. Il y a une pétition que les gens qui soutiennent cette cause peuvent aller signer sur Internet. Et il y a aussi, il faut savoir que... La pétition, elle a un nom, elle porte un nom, elle est sur un site. Oui, elle est sur change.fr et il s'appelle... Des CIO. D'accord. Et pour être au courant de la mobilisation, de ce qui se passe, des changements ou pas, est-ce qu'il y a un site, une page Facebook, un collectif auquel on peut s'adresser ou regarder? Il y a une page Facebook qui s'appelle Sauvons nos CIO. Et... Sauvons nos CIO sur Facebook. Oui, d'accord. Aussi, il y a la page de psychologue de l'éducation nationale. D'accord. Sur la page psychologue de l'éducation, on tape psychologue de l'éducation nationale, c'est tout? Oui, et il y en a plusieurs, oui. Il y en a plusieurs. Il y en a au moins deux ou trois. Okay. Vous avez un mot à dire ou un truc à rajouter à la fin, ou une annonce, ou vous avez peut-être envie de partager quelque chose vite fait? Je pense que là, le nouveau projet de loi, il va être présenté à l'Assemblée nationale le 11 juin. Ensuite, le vote est prévu pour le 26 juin. Je pense qu'il y a une marge de bouger et il faut se mobiliser. Aujourd'hui, on a vu des gens venir de toute la France, donc il faut continuer cette démarche. Je pense qu'il ne va pas être voté au 11 juin, parce qu'il est trop vide, le truc, en fait. Il faut qu'il remplisse vraiment, il faut qu'il fasse leur devoir. En fait. Il faut que ça soit assez sérieux. Du coup, on va faire une petite pause musicale en compagnie de Raphaël et on se retrouve après. Ma culture populaire ne se théorise pas, elle se vit, c'est comme ça. Élevé dans le béton et la grisaille, appartement cafard de 12 ans, collège crasseux et grande 15 piches qui tirent aux grenailles. 30% de réussite au brevet, Victor Hugo 3000, le plus nul des collèges français. Malgré tout on va de l'avant, on se décourage pas, on tape le ballon et les merguez frites à 10 francs. Princesse kabyle et ouest africaine, belle comme des fleurs qui poussent dans le ciment. Amoureux, je me cache des grands frères et des parents. Un Uruguay quoi? Un Uruguayen connard. Ma nationalité fait marrer. Enfant j'en suis fier comme du premier cocard. Mes premières baskets de marque Dynamo, qui pètent comme de la dynamite. 11 ans, on prend Paris Nord d'assaut. Merde tout le monde et on se la pète quand on dit ma bite. Culture populaire, imprégnée dans le sang. La cabine on est 3000. 93 indépendants. Quoi? 93 indépendants. Scalpel. 93 culture populaire, imprégnée dans le sang. La cabine on est 3000. 93 indépendants. Quoi? 93 indépendants. Scalpel. Un petit con sage et timide, studieux qui rêve de Francescoli et regarde les voitures qui brûlent par la fenêtre avec les yeux humides. 20 ans après, mon fils fait la même et je peux pas m'empêcher de penser que c'est un plan tactique de laisser s'aggraver les problèmes. La haine, je l'ai et c'est quelque chose que tu peux pas quantifier. La sensibilité exacerbée seule, quand dans ma tristesse face au monde, j'avais qu'une envie, c'est de crever. Plan bec, arrête de te flageller. En tant qu'immigré, je te demande pas de m'admirer, je te demande pas de m'idéaliser, mais en fait quand j'y pense, putain, je t'ai rien demandé. On peut discuter avec tout le monde tant qu'on fait preuve d'humilité. Militant irrité, ma culture populaire ne bande pas devant les grosses caisses au vide teinté. Culture populaire, imprégnée dans le sang, la cabine on est 3000, 93 indépendants. Quoi? 93 indépendants. Scalpel, 93 culture populaire, imprégnée dans le sang, la cabine on est 3000, 93 indépendants. Quoi? 93 indépendants. Scalpel, vous savez qu'on rigole pas. 93 indépendants. Scalpel, la cabine, partisan d'une révolution sociale et libertaire. Tu sais qu'on rigole pas. 93 indépendants. Scalpel, la cabine, partisan d'une révolution sociale et libertaire. La cabine, on est 3000. La cabine, on est 3000. La cabine, on est 3000. Vous êtes bien sur FPP 106.3 FM, émission au fond près du radiateur. On est ensemble jusqu'à 20h30. On vient d'écouter 93 indépendants de la cabine, donc Scalpel, tout ça. C'est le groupe Première Ligne. Maintenant, c'est un son qui date de 2009. C'est un peu à l'ancienne et tout. Voilà, je vous laisse la parole. Bah, du coup, on va réenchaîner avec Céline ou Younes qui vont se faire un point d'honneur à nous préciser ce qu'est un CIO et l'importance d'un CIO. Oui, parce que du coup, dans le débat, on a beaucoup parlé de ce qui se passait dans les établissements. Mais la réforme, c'est surtout sauvons nos CIO aussi. C'est un lieu où on accueille pas que des publics scolaires, on accueille aussi tous les jeunes qui sont sortis du système scolaire et qui ont envie d'y retourner ou qui ont envie de se professionnaliser. C'est un lieu où on accueille tous les élèves qui arrivent de l'étranger et on est le premier sas d'accueil et le premier sas de discours, de dialogue avec la famille pour qu'ils puissent réintégrer l'école. Et je trouvais que c'était important de dire que si on veut sauver nos CIO, c'est aussi pour tous ces gens-là qui ne font pas partie des établissements scolaires et qui sont accueillis bras ouverts, les jeunes, les adultes aussi, qui se posent des questions sur... Je pense que il y a une fonction pour les institutions. Notre CIO, c'est une institution de liaison qui a vocation de relier beaucoup de personnes qui sont exclues de la société pour plusieurs raisons, qui seront demain maintenues dans cette exclusion parce qu'ils n'auront pas un endroit, un lieu où faire ce travail de liaison. Donc, d'où l'importance d'essayer. Voilà. Merci beaucoup, Younes. Merci à toi, Céline. Mais j'ai le plaisir et l'outrecuidance de vous annoncer que Gérard Conlon va faire en sorte que vous ayez de moins en moins d'étrangères, ce soir. Vous pourrez lui dire merci. Et aujourd'hui, on reçoit aussi un criminel de guerre en France. Vous saviez ou pas? Vous ne savez pas qu'il y a un criminel de guerre qui a débarqué là aujourd'hui, reçu en grande pompe par le président pour fêter les 70 ans de 48 à 2018 de la création de l'État dit d'Israël. Ce président... qui est aussi un criminel de guerre. En fait, chaque citoyen israélien est un criminel de guerre. Au moment où un citoyen israélien, s'il se déplace en dehors de la Palestine, devrait être arrêté, jugé pour crime de guerre, occupation, vol, tout ce qu'on veut. Ça n'est pas le cas, hélas. Hélas, on le voit avec tous nos chefs d'État, nos hommes politiques. On a bien vu Sarkozy, on a bien vu des anciens comme Pasqua ou comme Balkany ou d'autres qui, en toute impunité, peuvent voler, être complices de meurtre, parce qu'on a été complices de meurtre. On a assassiné pas mal de chefs africains, d'État, on a détruit pas mal de populations, dernièrement en Libye, en Syrie, et on continue encore. Du coup, aujourd'hui, c'était la venue spéciale de M. Netanyahou, et avec un appel de la plupart des associations et mouvements de solidarité à la Palestine qui demandaient à venir à deux rassemblements qui ont été interdits par la préfecture de Paris, et qui étaient prévus là ce soir, en fait, et qui sont en cours. Donc je ne sais pas comment ça se passe, je ne sais pas si c'est violent ou pas, ou s'il y a du monde ou pas. On avait aussi le salon de l'armement Eurosatory qui a lieu tous les ans dans le monde, mais tous les deux ans en France. Enfin, une année sur deux en France et une année sur deux en Grande-Bretagne. Et là, en ce moment, c'est au salon qui a à, comment ça s'appelle, à côté de l'aéroport de Charles de Gaulle déjà? À Villepinte, non? Ouais, Villepinte, là, le truc. Elle. C'est pas à Villepinte? Non, c'est Parc des Expositions. Ça s'appelle comment? C'est Parc des Expositions. Bon, bah, c'est le parc. Non, c'est le Parc des Expositions de Villepinte. C'est ça ou pas? C'est toi qui voulais faire Eurosatory tout à l'heure. Non, mais normalement, sur le salon de l'armement dont tu parles, on va recevoir des militants qui organisent une contre-manifestation la semaine prochaine. Ok. Bah en fait, tous les ans, tu as un salon. Tous les deux ans, tu en as un en France et un autre part. Et je me rappelle, il y en avait un, on avait perturbé. C'était sur Paris, du côté des Invalides, il y a à peu près 8 ans ou 9 ans, quelque chose comme ça. Et c'est le salon, en fait, des grandes puissances qui peuvent pouvoir refourguer leurs armes à des pays beaucoup plus faibles qu'eux, comme actuellement la Syrie, la Libye ou le Mali ou ce qu'on veut. On va enchaîner avec le Stras. Tu as une actu à nous dire. Alors, bonjour, nous, alors, c'est Nathan. Et Isée, on est des militants du STRAS, le syndicat du travail sexuel. C'est un syndicat qui existe maintenant depuis 2009 et qui, du coup, veille à défendre les droits, les intérêts de tous les travailleurs du sexe. Alors bonjour, je me présente, je suis Nathan, je suis escorte et je travaille sur Internet. Je vis à Paris, plus précisément à Saint-Ouen dans le 93. Voilà, du coup, nous, l'actualité politique du travail sexuel en ce moment n'est pas trop réjouissante. Quoique, déjà, pour commencer par une bonne nouvelle, je vais laisser Nathan pour qu'il vous présente. Là, on sort d'un week-end, on s'est bien éclaté, c'était les putains de rencontres à Nantes. Alors, les putains de rencontres, c'est un événement qui est organisé en association avec Paloma, qui est également une association qui aide les travailleuses et les travailleurs du sexe. Du coup, l'événement se situe à Nantes. Ça permet aux travailleurs du sexe de se sentir un peu moins isolés, de se rencontrer, de discuter et de débattre sur les sujets politiques qui nous touchent de plein fouet, à savoir la pénalisation des clients. Et c'est pourquoi nous avons manifesté à la place du Change le samedi, aux alentours de 16h, pour combattre toutes les tentatives d'ostracisation et la criminalisation du travail sexuel. Alors ça, c'est super, merci, ça me permet d'enchaîner vachement bien que tu vois de manif, parce que justement, on va faire le point sur les manifestations récentes. Alors déjà, il y avait la manif du 14 avril organisée par le STRAS, qui était donc une manifestation pour les droits et les droits du sexe. Évidemment, les alliés étaient à bienvenue. Et on a défilé de Pigalle jusqu'à où c'était République, Bastille, je ne me souviens plus. C'était Bastille, ouais. C'était Bastille, voilà. Et du coup, on manifestait pour nos droits. On a manqué de se taper avec 2-3 personnes dans la rue qui, évidemment, nous disaient « foutez le camp, dégagez ». Toujours une rencontre très agréable. Ensuite, on avait fait la manif, là, la première version de la marée populaire. On avait été invités à prendre la parole et c'était extrêmement bien passé. On avait pris la parole à 2 reprises. On avait tenu un stand à Bastille avec ACT UP et les interventions du STRAS ont été extrêmement bien accueillies puisque on a été interrompu plusieurs fois par le public qui nous soutenait et qui nous applaudissait. Mais en revanche, ensuite, pour la deuxième version de la marée populaire d'il y a quelques jours, une semaine, 2 semaines, effectivement, normalement, le STRAS était appelé à signer le texte d'appel avec les autres syndicats, les autres partis, les autres associations. Puis en fait, on nous a fait savoir que le STRAS n'était pas du tout la bienvenue parce que, on est un syndicat du travail sexuel. Donc, on est des putes, on est des acteurs porno. Mais c'est gênant. Et en plus, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'officiellement, c'était à cause d'une prise de position sur la pénalisation du client. Or, il faut savoir que ACT UP Paris partage exactement les mêmes positions que nous au sujet de la pénalisation du client. Et eux, par contre, ils n'étaient pas du tout personnel dans le grata. Au contraire, il n'y avait que le STRAS et plusieurs groupes. Enfin, il y a par exemple les effrontés, d'ailleurs, qu'on n'a pas beaucoup vu à la manif. Hein, c'est marrant, moi j'ai cherché et je n'ai pas vu 2 ou 3 personnes les effrontées. Et on a toujours dit que cette association a menacé de retirer sa signature et de ne pas venir si le STRAS signait. Il y avait aussi la CNDF, il y avait le parti de gauche, le front de gauche, un truc du genre, un truc de gauche. Donc, comme d'habitude, c'était une mauvaise surprise. Pour nous, ce n'est pas inhabituel parce que c'est ce qu'on subit depuis des années. Tous les ans, à chaque fois, dès qu'on fait une manif, on nous fait savoir que les putes ne sont pas la bienvenue. En revanche, là où ça a fait un peu mal, c'est que la première version de cette manif, on avait été extrêmement bien accueillis. Et là, c'est parce qu'encore une fois, c'est la putophobie, c'est l'incarnation de la putophobie. Et donc, beaucoup en plus, durant les échanges de mails, on s'est fait insulter, comme d'habitude. Mais finalement, ça a été bien pour nous, parce qu'on en a un cortège de tête, du coup. ACT UP Paris a défilé avec nous, on était derrière le collectif d'Adama Traoré. Et bah, c'était un peu ballot de la part des associations abolitionnistes de vouloir nous empêcher de venir à la manifestation parce que ça nous a fait la publicité et que beaucoup de gens ont commencé à prendre conscience de la putophobie, déjà de la putophobie sociale, mais en plus de la putophobie dans pas mal de mouvements de gauche. Donc on a eu un assez bon accueil une fois au sein de la manif, mais les autres parties nous regardaient assez mal. On nous faisait bien savoir, comme d'habitude, que les putes ne sont jamais la bienvenue. Les putes n'existent que... on n'existe que d'un point de vue complètement misérabiliste. Soit on est des victimes, soit... En fait, on n'est que des victimes. Soit pour eux, la plupart des gens, le travail sexuel, ce n'est que quelque chose qui n'est issu que de la traite et du trafic d'êtres humains. Et donc, on est forcément des victimes et il faut nous sauver. Mais en revanche, à partir du moment où on assume fièrement eh bien, nos revendications, le fait que c'est un travail, là, tout de suite, c'est comme d'habitude, c'est le sacro-saint sexe. À partir du moment eh bien, où on vend des services sexuels, là, tout de suite, ça fait grimper au rideau. Je ne sais pas, Nathan, si tu... Ça me fait rire que tu parles de sauver parce que justement, on va rebondir sur le fait que ces mêmes personnes, notamment les mouvements de type abolitionniste comme le NI, ont effectivement tenté de mettre en place un parcours de sortie qui était censé extirper de notre soi-disant misère professionnelle en proposant un maigre dû de 300 euros. 300 euros en tant que prostituée n'étant pas suffisant pour subvenir aux besoins. Nous sommes une population qui est très précarisée et avec 300 euros, on ne va vraiment pas loin, surtout en France et surtout quand on exerce en région parisienne et que dans certaines situations, ce sont des personnes qui ont des femmes, des enfants à charge et c'est très compliqué. Voilà, d'ailleurs, à propos des infamies à charge, tout ça, donc ce que Nathan vient de mentionner, c'est donc le parcours de sortie. Mais pour bénéficier du parcours de sortie, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quand même très peu de thunes, paradoxalement, vu l'ambition du projet qui a été débloqué. La plupart du fric était dans les poches d'associations abolitionnistes, comme l'amicale du mouvement d'Uni. Et il y a, je crois, moins d'une cinquantaine de travailleurs du sexe en France qui ont bénéficié de ce parcours de sortie. En plus, effectivement, il y a eu une RAF il y a quelques temps au Bois de Boulogne, j'en avais parlé. La travailleuse du sexe qui s'était retrouvée du coup au commissariat avait mentionné le fait qu'elle voulait arrêter le travail sexuel et à aucun moment on lui a fait mention du parcours de sortie. Et puis pour bénéficier du parcours de sortie, il faut savoir qu'il faut réunir des conditions. Ces conditions sont juste absolument inadmissibles. On est vraiment mis sous surveillance, il faut prouver qu'on a arrêté le travail sexuel depuis des mois, donc on n'a aucune source de revenus. Donc je ne sais pas comment on peut faire, sauf si, personnellement, je ne sais pas si j'ai la thune de Macron, ne pas bosser pendant 6 mois, oui, je peux le faire. Mais là, ne pas avoir aucune source de revenus en France pendant 6 mois, c'est un peu compliqué. Donc ça met des conditions extrêmement compliquées, bien sûr. Et puis le parcours de sortie, comme Nathan l'a signalé, c'est quand même 330 euros par mois. De qui se moque-t-on? C'est du foutage de gueule, mais absolu. Et d'ailleurs, durant les plus grandes rencontres, on avait fait une conférence de presse où d'ailleurs on voit bien le traitement médiatique qui est accordé au travers du sexe, sur lequel on va revenir dans une minute. Mais là, tout de suite, on nous a dit « Mais du coup, au travers du sexe, racontez-nous un peu les clients. » Mais en fait, nous, on n'est pas là pour des témoignages. On n'est pas là pour être face à la caméra ou faire des témoignages sur comment ça se passe avec mes clients. Je vais vous parler, nous, on va vous parler nos revendications de politique. Et finalement, on leur a dit, par contre, dans 2 heures, là, il y a un rassemblement, donc, que Nathan a mentionné, place du change, si vous voulez venir. Et ils nous ont dit, ah non, mais non, on ne va pas y passer tout l'après-midi. On vous aime bien, mais quand même, je suis d'accord, le travail sexuel n'est pas du tout un sujet qui mérite, lorsqu'on est journaliste, qu'on y passe tout l'après-midi. Et ensuite, justement, à propos du traitement médiatique, là, il faut savoir que hier ou aujourd'hui, le 4 ou le 5, les travailleurs du sexe de Belgique se sont mis en grève à cause du meurtre d'une collègue belge. Du coup, il y a une journée de grève. Et parce qu'évidemment, comme d'habitude, rien n'a été fait pour que le meurtre soit évité, comme d'habitude, parce que le gouvernement, souvent, nous fait travailler dans des situations extrêmement précaires. Et parce qu'ensuite, de la part de la police, bah, ils s'en foutent. Je veux dire, on est que des putes, donc c'est normal. Ça fait partie du métier qu'on se fasse tuer, violer. C'est ce qui, évidemment, c'est une aberration totale. Et du coup, il y a effectivement ce mouvement de grève, et on le voit lorsqu'il y a des traitements médiatiques sur cette affaire, on dirait tout de suite, elle se livrait à la prostitution, elle s'est fait sans doute violer par 1 milliard de personnes qui ensuite l'ont torturée. Et ce côté extrêmement médiatique, on n'a jamais la parole, on est extrêmement invisibilisé, je ne sais pas ce que t'en dis Nathan. Moi je pense qu'il y a un sacré paradoxe dans la victimisation au niveau de ces organisations qui se prétendent féministes et qui pensent qu'à partir du moment où on choisit d'exercer avec son corps, qu'on en fait le choix libre et conscient, et bah, tout de suite, on n'est plus libre et conscient, on est sous l'emprise de personnes qui nous veulent du mal. C'est ça, il y a une infantilisation qui est réelle. Le parcours sorti, c'est pour nous aider. Non mais 330 euros par mois, ça aide qui? Et Thierry Schaeffer a fait une très bonne blague d'ailleurs à ce sujet. Il dit, mais moi j'aimerais bien sauver les personnes de la politique, faire un espèce de parcours de sortie des politiciens, parce qu'il faut les sauver de la politique. Ils ne se rendent pas compte, ils ne sont pas capables. Donc oui, soit on est dans tous les cas, on est des victimes, et c'est en plus extrêmement infantilisant. Et à ce niveau-là, par exemple, pour le proxénétisme, sur le principe, on est tous absolument d'accord pour dire qu'un type qui gère un trafic, qui force des filles à travailler sur le trottoir, c'est ignoble. Je crois qu'on est tous à peu près d'accord. Mais en revanche, il faudrait redéfinir les termes du proxénétisme, parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle plus ou moins le proxénétisme de soutien. C'est-à-dire que si là, par exemple, bah, je paye un coup à Nathan en sortant ce soir, comme l'argent avec lequel je vais payer un coup via le travail sexuel. Comme proxénète. Voilà, comme proxénète. Et ce sera à lui de prouver qu'il n'était pas au courant. Donc c'est même pas à nous, on pourrait même pas dire, mais en fait c'est notre argent, on l'a gagné comme on veut, on en fait ce qu'on veut. Non, forcément, il aura abusé de moi parce qu'il aura profité de l'argent du travail sexuel. Donc on est dans une situation. Même sur des couples où il n'y a pas d'abus ni quoi que ce soit, bien sûr, donc avéré, en fait, la personne, ouais. le conjoint ou la conjointe est reconnue comme proxénète si elle bénéficie. C'est ça, donc c'est une énorme. Non seulement c'est extrêmement infantilisant, c'est évidemment abolitionniste et putophobe, mais en plus c'est une réelle atteinte à la vie privée. Puis c'est une vraie hypocrisie républicaine parce qu'en Belgique, en fait, c'est reconnu. Tu peux être travailleur du sexe, en Hollande aussi, en Allemagne aussi. Après, c'est peut-être pas les idéaux, je dis pas que c'est l'idéal, mais au moins. La notion professionnelle, elle y est reconnue. Alors qu'en France, c'est plutôt hypocrite et on réclame même des impôts des fois quand on tombe sur des flagrants délits de prostitution. C'est ça, bah, notamment si on fait penser à tout ce qui va toucher la pénalisation des clients, qui est en place depuis 2016 maintenant. On a eu à faire un bilan post-loi au cours duquel on manifestait le 14 avril, on en a déjà parlé. Et du coup, oui, beaucoup d'arrêtés municipaux ont été mis en place au Bois de Boulogne, au Bois de Vincennes. Et pour tout délit de stationnement, il va y avoir des contraventions à payer. Si les policiers tombent en flagrant délit sur une passe qui est en cours, les personnes qui étaient en train d'exécuter sur le moment la passe en question vont être sujettes à payer des amendes, à savoir 144 euros pour un préservatif qui est par terre ou un sac plastique attaché sur un arbre. Après, pour tout ce qui va être du problème de l'endroit où exercer, on peut être taxé d'exhibitionnisme et ce genre de choses. Oui, voilà, donc il y a un réel, effectivement, il y a un réel souci. D'ailleurs, c'est intéressant ce que tu dis à propos de la Belgique, depuis la pénalisation des clients. Effectivement, il y a beaucoup de collègues, par exemple, qui habitaient à Lille, qui ont ensuite dû déménager en Belgique, parce que le travail depuis la pénalisation des clients, c'est une catastrophe. Et Nathan l'a vachement bien dit. On nous dit que oui, mais ça ne vous concerne pas, c'est les clients. Ouais, je suis d'accord, frère, ça ne me concerne pas du tout, mes clients. Du coup, évidemment, il y a des conséquences dramatiques à la pénalisation des clients. Et de plus, bah, la pénalisation des clients, c'est juste une manière de nous toucher, nous, comme Nathan l'a justement bien dit, comme les PV abusifs, comme la présence policière constante à Belleville, les rafles quotidiennes au Bois de Boulogne. Donc, on est dans une situation, effectivement, de précarité et de putophobie abolitionniste, comme d'habitude. Moi, ce que je vous propose, c'est on fait une pause un peu de musique et on revient sur le sujet. Voilà. Non, c'était juste pour dire qu'à 20h15, il y a Alexis qui va appeler pour parler de la RATP, mais voilà que le temps y passe et tout. Juste, tu termines. Oui, du coup, on aimerait rendre hommage avec Nathan et l'ensemble du Stras à Lily, et d'ailleurs à Lily en tant que personne, mais à tous les travailleurs du sexe, à tous les collègues qui meurent à cause des conditions de travail du gouvernement, et donc à Lily qui est morte il y a quelques temps et pour laquelle on a fait un dying lors du rassemblement à Nantes. Donc on rend hommage à Lily, notre collègue. Et juste un dernier truc avant qu'il appelle. Vous ne trouvez pas qu'en fait, il y a une espèce de double politique? Il y a une politique sur le travail du sexe qui est en extérieur, visible, celui du Bois de Boulogne, Bois de Vincennes, ou dans les boulevards, ou ce qu'on veut. Et une autre façon de traiter celui qui se fait via Internet, par exemple. Vous n'avez pas l'impression qu'il y a deux façons différentes? Alors, je vois où vous voulez en venir. En tant qu'escorte sur Internet, on n'est pour l'instant pas touché, mais le fait que la pénalisation des clients se fasse actuellement sur le terrain, c'est-à-dire tout ce qui va être dans les rues, dans les bois, c'est juste l'ouverture au fait que récemment, il y a eu une tentative de censure sur les sites d'annonces comme Viva Street qui vont justement permettre aux hébergeurs de supprimer toutes les annonces qui vont traiter du travail sexuel. Et donc, c'est que le début de la fin pour le travail du sexe si on laisse les choses se passer. Merci. Du coup, on se passe une pause musicale et quand Alexis l'appelle, on interrompt la pause musicale et on le prend. Ça te va? On vous dit à tout à l'heure. I'ma start it from the bottom. I'll show you how to flip a dollar. I got food in my dining room. I'm better, I'm better, I'm better. It's another day, another chance. I wake up, I wanna dance. So as long as I got my friends, I'm better, I'm better, I'm better. He say I'm hot, I'm so fuego. Pull up on him in my vehicle. He said, I'm pretty, you must be from Brazil, it must be from Mexico. Roll up on him in my Latin book. Jump out like, skirt, yeah, bro. You need a chick like me to make you wanna leave them at the bars, you know, narrow. Yeah, he got bands in the bando. Missy got dudes in Orlando. Plus, I got cars that he paying for. Man, I be too much to handle. Watch what I do when I get up on you, Poppy Petro, in my room and zoom in the pool. He watching my body like he watch a scandal. But I'm just here for my girls. I'ma start it from the bottom. I'll show you how to flip a dollar. I got food in my dining room. I'm better, I'm better, I'm better. It's another day, another chance. I wake up, I wanna dance. So as long as I got my friends, I'm better, I'm better, I'm better. Missy so hot, I'm from VEA. The car that I drive be Ferrari. My clique is so thick in the buzz, they be hollering and whistling at me like, damn, babe. Man, I'm 3,000, I'm 100. Yo, Missy talk big, I'm so gluttony day. Bruce Lee on the beat, I don't compete with none of these geeks. I just rent like I'm cotton, yeah. Yeah, he got bands in the band, though. Missy got dudes in Orlando. And I be driving cars he's paying for. He say I'm too much on my handful. He watching my body like he watch a scandal. But I'm just here for my girls. I'ma start it from the bottom. I'll show you how to flip a dollar. I got food in my dining room. I'm better, I'm better, I'm better. It's another day, another chance. I wake up, I wanna dance. So as long as I got my friends, I'm better, I'm better, I'm better. Brand new flow when I ride. DJ, bring that back. You ain't never heard a track like that. Shit might slap, booty go clap. Roll up in the beans. Looking like a teen stat. When I rock, make it bop in my car and it bang, bang, bang, bang like yeah. Go blah, blah, blah. Yeah, he got bands in the bando. Missy got dudes in Orlando. Buying me bags and new shoes and new clothes and everything I know that he paying for. Yeah, he be hooking me up. Yeah, he be hooking me up. Watch what I do when I get up on you, Poppy Petro. Room and zoom in. I'ma start it from the bottom. I'll show you how to flip a dollar. I got food in my dining room. I'm better, I'm better, I'm better. It's another day, another chance. I wake up, I wanna dance. So as long as I got my friends, I'm better, I'm better, I'm better. Vous êtes toujours dans l'émission Au fond près du radiateur, Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. On est ensemble jusqu'à 20h30 et tout de suite on accueille Alexis qui est un militant de la CGT qui travaille à la RATP. Alexis, tu m'entends bien ? Ouais, salut Raph, je t'entends très bien. Salut, bah, merci beaucoup d'être avec nous au téléphone ce soir. Et du coup, on trouvait important de te donner la parole parce que tu étais déjà venu déjà à la radio pour parler de mouvements qui pouvait y avoir dans ton entreprise et puis nous parler un peu des conditions de travail et tout. Puis là, vu que tu t'es pas mal mis en avant par rapport à tout ça, t'es convoqué pour un entretien préalable à licenciement par la direction et sur un motif bidon. Et c'est ouais. Le 8, c'est ça ? Ouais, le 8 juin, je vais... 8 juin, c'est vendredi, je crois. C'est vendredi là, ouais, 8 juin, à 14h, je serai devant le conseil de discipline de la RATP, donc où j'encours une sanction comprise entre 5 jours et de mise à pied ferme et la révocation. D'accord, et du coup, il y a un rassemblement pour te soutenir, quoi. Ouais, à partir de 13h, donc c'est au 19 place La Chambaudie à Paris dans le 12e. Voilà, dès 13h, la CGT, RATP, ainsi que les unions locales CGT et solidaires de Saint-Denis appellent à venir se rassembler dès 13h. Voilà, pour, c'est vers Gare de Lyon, non ? C'est quoi le métro là-bas ? Ouais, c'est vers Gare de Lyon, c'est métro Cours Saint-Émilion. Sinon, d'accord. De Gare de Lyon, c'est le bus 24, voilà, arrêt Dijon-La Chambaudie. Et il y a un événement Facebook et tout pour le rassemblement, ouais. Ça s'appelle... Exact. Je sais pas comment ça s'appelle, Soutien Alexis, un truc comme ça. Ouais, un truc comme ça, ouais. C'est par rapport, c'est facile à trouver, je pense, si vous cherchez la page CGT RATP Bus. Ok. Voilà. Et donc, ouais. Raconte-nous un peu ce qui se passe, quoi. Ce qui se passe, c'est que, en fait, là, je suis convoqué précisément parce que un collègue a transmis à la direction un message WhatsApp, donc un message à caractère privé, dans lequel, selon la direction, je tiens des propos insultants à l'encontre du directeur de mon dépôt ainsi que de deux agents de maîtrise. Donc, ça, c'est quelque chose... Donc, il a pris son téléphone, il allait le montrer au chef, quoi. Ouais, il est allé faire écouter, en fait. C'est sur WhatsApp, on peut mettre des messages vocaux. Et là, en fait, en l'occurrence, c'est un message vocal et, qui s'adressait à un groupe restreint de collègues. Et il est allé, alors je ne sais qui, je ne sais pourquoi, mais enfin, il est allé montrer ça à la direction qui a estimé que c'était des faits d'une gravité extrême, pour reprendre les propos du directeur. D'accord. Voilà. Donc, ouais, c'est complètement bidon. Déjà, il faut lui dire que c'est pas bien de balancer. Et puis... Et puis déjà, c'est la sphère privée, même si c'est vrai ou pas, c'est pas la question, c'est la sphère privée, tu vois. Ouais, exactement, ouais, c'est la sphère privée. Alors, il faut dire, à la RATP, c'est pas la première fois qu'ils convoquent des représentants du personnel, des délégués, quoi que ce soit, pour les allumer sous de faux prétextes pour, en fait, au fond, leur activité syndicale. Il y a 2 ans, on a un camarade du dépôt de Croix-Nivert à Paris, là, qui s'est fait convoquer pour des prétendues menaces envers sa directrice, qui a écopé d'un mois ferme l'année dernière. Un mois ferme Ouais, un mois ferme, ouais. Un mois de mise à pied. Il ne peut pas rentrer dans l'entreprise. La RATP n'envoie pas encore les gens en tôle, mais bon, s'il pouvait, il le ferait. Donc un mois de mise à pied ferme pour ces 1000 il y a 2 ans, pour des menaces, des menaces inventées. Faux témoignages à l'appui, tout le bazar. L'année dernière, on a des collègues, des camarades du CHSCT qui sont allés faire un rappel sur les contrôles techniques. Donc c'est les organes de sécurité du bus. Donc CHSCT, en gros, c'est une instance où il y a des élus du personnel qui peuvent lancer des alertes sur la sécurité au travail et protéger un peu les salariés, quoi. Ça s'appelle le CHSCT, Comité d'hygiène et de sécurité au travail, un truc comme ça. Des conditions de travail, ouais, exactement. Ouais. Donc eux, ils sont habilités sur les questions hygiène et sécurité, c'est marqué dedans. Et donc un matin, et d'ailleurs plusieurs matins, on avait fait un petit matos, tu vois, où on indiquait aux collègues surtout d'être vigilants vis-à-vis du contrôle technique de leur bus. C'est-à-dire le freinage, les feux, les clignotants, tout ce qu'on appelle les organes de sécurité à bord du bus. Parce que derrière, en cas de constat, en cas d'accident, si le collègue est sorti avec un bus en mauvais état, tout va se retourner contre lui. Il va être reconnu à 100% responsable d'un accident, même si au départ, il y est pour rien, quoi. Et comme la RATP serre vachement la vis au niveau des effectifs de la maintenance, pour faire de la productivité, pour jouer le jeu de la compétition, de la compétitivité, en fait, le matin, il arrive que le bus que tu sors du dépôt, c'est fréquent qu'il y ait une ampoule grillée, un clignotant qui manque, ceci ou cela, quoi. Donc, sur une opération comme ça, il y avait eu cinq militants qui avaient été convoqués et sanctionnés d'un jour de mise à pied, alors que franchement, ils faisaient une mission de service public, quoi. Ouais, la direction te pousse à sortir, c'est-à-dire à travailler avec ton bus, quoi, à aller prendre des passagers, même s'il y a un clignotant qui ne marche pas ou s'il est en mauvais état, le bus, quoi. J'ai déjà eu ça le matin. Moi, le matin, j'appelle le régulateur en lui disant « Écoute, je ne peux pas sortir tout de suite, j'ai un feu de gabarit arrière-gauche qui ne fonctionne pas. » Et le régulateur me dit « Mais c'est quoi un feu de gabarit, tu vois ?» Okay. Les feux de gabarit, c'est les feux qui sont situés en haut du bus et qui permettent la nuit, lorsque le bus circule sans voyageurs, ça permet aux autres usagers de la route de voir que c'est un véhicule de grande hauteur. Tu vois, c'est un truc de sécurité aussi. Et c'est pour te dire le niveau, quoi. Voilà, il y a plus de moyens pour la maintenance. Mais enfin, ça, c'était pour illustrer le fait que la répression syndicale, c'est pas d'aujourd'hui et ils ont pas inventé ça avec mon affaire. D'accord. Là où ils innovent avec mon affaire, c'est qu'ils vont sur un truc qui n'a rien à voir avec le boulot, un message enregistré en dehors des locaux de l'entreprise, en dehors de mes heures de travail, dans un cadre privé, et que parce qu'ils ont trouvé une balance, comme on dit chez nous, ils s'appuient dessus pour m'allumer parce qu'il n'y a rien dans mon dossier, quoi. Pas d'accident, pas de retard, pas d'absence injustifiée, pas d'embrouille avec la hiérarchie. Moi, j'ai toujours mis la hiérarchie en difficulté, voilà, sur des chiffres, sur des faits, sur des statistiques, sur des constats, mais jamais, sans jamais avoir été sanctionné pour propos déplacés, tu vois, ou pour des coups portés, des bagarres ou des trucs comme ça. Ça n'a jamais été la manière dont j'ai pratiqué, quoi. Et donc là, bah, ils m'allument voilà, sur ce qu'ils ont trouvé, quoi. Ce qu'un collègue a bien voulu porter à leur connaissance. Ok. Après, bah, on a envie de dire que c'est un truc un peu classique, quoi. À partir du moment où tu as des gens qui sont un peu revendicatifs ou quoi, qui empêchent un peu la direction de faire ce qu'ils veulent. Et là, ils ont l'air de vous mettre pas mal la pression et de vouloir démanteler la RATP. Oui. C'est un truc un peu classique, quoi, de trouver un prétexte bidon, de s'appuyer sur un collègue qui est prêt à se compromettre pour des promesses. Souvent, la direction va lui promettre des choses ou pas, quoi, mais il est prêt à charger les collègues et puis on s'en sert pour allumer les militants, quoi. Et du coup, au dépôt de bus Pleyel, là où t'es, et puis toi-même, t'avais été pas mal actif dans les mouvements, même. Pour essayer de faire de l'interprofessionnel, de sortir du corporatisme, et notamment pendant la loi travail et tout ça, on trouvait ça important de te donner la parole, quoi, et puis de te soutenir vendredi si on peut y aller. Bah, c'est sympa, Raph, c'est sympa. Après, ce que je voulais dire un peu plus largement, parce que l'histoire de vendredi et le rassemblement, c'est pas uniquement sur mon affaire, c'est pas sur une affaire que c'est important. Il y a deux aspects. Il y a le côté où vraiment ça devient une méthode de management, quoi. Le management par la terreur, et je dis bien par la terreur, je pèse mes mots, quoi. On convoque les collègues maintenant, soi-disant parce qu'on les a vus griller un feu orange. Alors un feu orange pour nous, ça veut rien dire, si tu veux. Un feu orange, ça peut être pour éviter de faire un freinage d'urgence, pour libérer le carrefour, pour fluidifier la circulation. T'es maître à bord, t'es censé avoir la présomption de justesse. Bon, et ben tu franchis un feu vite fait à l'orange, ça évite bien des dégâts. Voilà, c'est ton professionnalisme qui fait que tu passes ou pas un feu orange. On a vu récemment un collègue qui a été sanctionné d'un jour de mise à pied ferme parce que il s'est présenté au dépôt avec une veste personnelle, tu vois, et pas la veste d'uniforme. En réalité, il venait avec une veste perso parce qu'il prend les transports en commun. Et qu'il n'a pas envie, dans le métro, d'être grillé comme potentiellement un contrôleur ou de se faire prendre la tête, tu vois, en tenue RATP, quoi. Ouais. C'est aussi la peur sur les arrêts maladie. Un collègue, il appelle, il dit, bon, voilà, je suis malade, je vais consulter le médecin. On lui dit, attends, tu comprends, pour ton avancement de carrière, c'est pas terrible d'être malade. Je t'arrange le coup, hein, le manager présente le truc comme « je t'arrange le coup ». Je te mets en congé annuel, hein, c'est-à-dire je te prends 3 jours de vacances et puis tu vas pas consulter, comme ça ce sera pas à ton dossier, tu vois, t'auras pas été malade et puis tu pourras espérer une prime ou être bien vu au moment du déroulement de carrière. Enfin, ça c'est ce que j'appelle le management par la terreur, tu vois, c'est-à-dire qu'il n'y a plus du tout de pédagogie, les budgets formation professionnelle aussi pour des questions de productivité, ils sont réduits à peau de chagrin. Et maintenant, le seul moment où on peut s'entretenir avec un supérieur, bah, c'est dans le bureau du directeur à l'occasion d'une convocation. Ok. Donc ça, c'est une chose. Et derrière ça se cache, bah, comme tu le disais tout à l'heure, les bouleversements que va connaître l'entreprise et au premier chef, enfin c'est premier dans le calendrier, hein, la partie bus de l'entreprise, quoi. Qui veulent la privatiser, quoi, ou la ouais, la en fait, privé. Si tu veux, ce qui risque de se passer, et là, on peut faire un parallèle avec la SNCF. La SNCF, aujourd'hui, les camarades cheminots, ils nous disent bien... Alexis, en gros, il va nous rester une minute, ouais, sur ce sujet-là. On va conclure ouais, bah, là-dessus. Écoute, voilà, il y a deux types de lignes. Il y a les lignes rentables et les lignes non rentables. Les lignes rentables, elles vont être proposées sur appel d'offres aux boîtes privées pour faire du business. Et elles vont sans doute être cédées à la concurrence. Les lignes non rentables, c'est-à-dire les vraies lignes de service public qui passent dans les quartiers et tout, elles vont rester dans l'établissement public. Et puis dans 10 ans, ça fera comme à la SNCF, on viendra nous dire l'établissement public, il est surendetté, et ben il faut le déglinguer, quoi. Voilà. Si je peux faire le parallèle avec la dette de la SNCF, quoi. Bon, c'est un peu rapide, c'est dommage qu'on n'ait pas eu un peu plus de temps, mais enfin, voilà, toute cette répression, je répète, hein, c'est pas mon cas, mais c'est le cas à la fois de beaucoup de militants, et c'est aussi un mode de management devenu ordinaire. Et ça se situe, dans un cadre de grand bouleversement de l'entreprise au détriment du service public des transports, quoi, c'est clair. Ok, mais on te remercie d'avoir appelé et pour rappeler le rassemblement, du coup, pendant ta convocation pour une mise à pied, ça sera vendredi le 8, et si tu peux rappeler l'horaire et le lieu si des personnes donc vendredi 8, tu l'as dit, à 13h, dès 13h, au 19 place La Chambaudie, à Paris, dans le 12e, métro Cours Saint-Émilion. Ok. Voilà. Bah, on te souhaite de la force, beaucoup de détermination et tout, et puis porte-toi bien, Alexis. Et puis tiens-nous au courant. Je te remercie beaucoup, Raph, et puis je salue les auditrices et les auditeurs de FPP. Voilà. Ok. Bah, bonne soirée à toi. Merci, Raph. Ciao. Ciao. Voilà, on se retrouve vendredi prochain pour la rediff de 7h à 8h30. Et sinon, au fond près du radiateur, c'est tous les mardis, 19h, 20h30. Tout de suite, vous retrouvez l'émission d'Ouboud. Bonne soirée, ciao. Au fond près du radiateur sur FPP 106.3. Au fond près du radiateur. On doit continuer le combat contre le racisme, contre la violence policière, contre le travail qui nous tue, contre le chômage, contre la dégradation des quartiers populaires. La seule alternative pour nous, c'est la lutte. C'est la lutte. C'est la lutte. 106.3. Radio fond près du radiateur. On ira jusqu'au bout. La force des travailleurs. Voilà. Hey. Non pas Sarah. Grève générale. Et rien d'autre. Et il faut qu'on soit déterminés dans nos actions. Et on ne doit pas lâcher. On ne doit pas lâcher. Et si on est tous ensemble, on va y arriver. C'est pas eux qui vont décider de notre vie. C'est pas eux qui vont décider de notre vie. Yo, au fond près du radiateur, man. Tous les mardis soirs, 19h, FPP 106.3 FM. Ha! You want me to hide?